Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le cœur d'aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbee nous présentera sa chronique musicale Fitzbeat. Sébastien Dulle sera très dur sur la culture avec son éditorial Va voir ailleurs, j'y suis. Et tant qu'à parler de culture, on aura la chronique dans le spectacle d'Alexandra Carignan. Assemblage requis tout de suite. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 25 février 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Hey, Jean-Philippe Charbonneau qui n'est pas en remplacement de François-Louis Marchand. Coup de théâtre. Ah, rideau. Jean-Philippe, il va falloir que je m'habitue parce que là, il y a plein de monde qui t'appelle Jean-François sans faire exprès. Mm-hmm. C'est un peu décevant de leur part. Mm-hmm. Je m'accuse moi-même. Mais c'est Jean-Philippe. C'est Jean-Philippe, oui. Ouais. Jusqu'aux dernières nouvelles, dans le fond. Ben, c'est ça. Ouais. Et pour au moins le reste de la session. Oui, au moins. C'est confirmé, tu vas être mon co-animateur. Eh oui, on prend du plaisir ensemble tous les matins. Je suis très content, moi aussi. Oh oui. Eh bien, tu entends parler de l'émission d'aujourd'hui? Certainement. Tant qu'à faire. Donc, Simon Fitzbee, Fitzbeat, qui nous présente deux groupes, deux albums qui sont sortis récemment. Il va nous les faire entendre en partie tout à l'heure. Sébastien Dulude va chialer parce que les gens disent qu'il est ben dur envers la culture. Dur, c'est le nom de sa chronique. Dur. Dur. Dur, dur, l'être Dulude. Peut-être qu'il fallait sortir la culture du frigidaire puis la laisser à température pièce un petit peu. Défrost! Il y a aussi Alexandra Carignan avec la chronique Art et Spectacle, le temps d'une culture. Elle, on sait jamais de quoi elle va nous parler, mais ça a toujours de la classe. Voilà, la classe. Aussi au programme ce matin, on va continuer notre série sur UQTR en spectacle avec un autre participant, c'est Olivier Lessard, qu'on va recevoir aujourd'hui, auteur, compositeur, interprète. Certes. Certes. Intercepte. Intercepte. Les meilleurs moments des palmarès, c'est fou dans un instant classique édition palmarès. Mm-hmm. Et on va aussi apprendre des choses dans C'est un fait. Donc, c'est chargé. Ben, comme d'habitude. Ben, okay. Bref. On a de la place pour en mettre. Oui. Ah, mais non. Dans 2 heures. Je peux frapper sa bénette, oui. Mais ça, en même temps, ça n'a pas de sens, ça. Ah, non. Non, c'est ça. Puis on n'entend pas le bruit que ça fait. Non, ça fait juste. Ah, voilà. Ouch. Ouch, Mathieu. Là, Mathieu fait semblant de frapper sa bédane, mais c'est moi qui frappe. Frappe dans tes mains, pas sur le voisin. Ben voilà. Comme disait l'autre. Là. Oui, peu importe. Le grand philosophe. Le grand philosophe Jerry Boulet. Voilà. C'est ça. On va commencer l'émission tout de suite en musique. Tiens, pourquoi pas. Aline, deux hirondelles. Je te la dédie parce que Jean-Philippe, François, Jean-Charles, Jean-Sébastien. Oui. Tu t'envoles comme un petit oiseau. Oh. Ouh. Je savais pas que tu pouvais faire ça. Ça m'arrive. Moi, je faisais semblant de chanter. OK. Moi, j'ai dit, tu me connais pas pantoute. Ah! Arrête de me juger, tu me connais pas, je juge pas. Ah! C'était The Damn Truth, la tabarouette de vérité, avec Kinda Awkward, plutôt inconfortable. Mm-hmm. Hein? Aujourd'hui, on va traduire tout ce qu'on dit. C'est bon? Journée de traduction. Oh oui, oui. Ben, c'est la journée des linguistes. Voici, tiens, It's a Fact. Oh, oh. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les 3V, Jean-Philippe... Comme dans les Mighty Ducks. Comme dans les Mighty Ducks, j'imagine, hein? Oui. Et quand il faut victoire. Le grand... Quand il faut le grand V. Ah. Coin. Coin. Coin. Coin. Coin. Coin. Coin. Oui, j'ai écouté en deux périodes, c'est pour ça que je le sais. L'émission yes. ici, assez fou, en deux périodes avec Maxime Tanguay. OK. Il y a un retour de pause que c'est ça que ça fait, puis je savais que c'était... Ah, c'est les Mighty Ducks. Et ben, j'en apprends tous les jours. Et voilà. Tu pourrais dire la prochaine fois. Oui, hey, Mighty Ducks, man. Mighty Ducks, man. L'autre fois, j'ai fait une blague. Il me dit, belle référence aux hommes en noir, Will Smith. Je fais comme, cool, oui. merci, mais j'ai aucune idée. C'est... Ah. Ah, ben ça venait pas là de là. Non. C'est comme tous mes jumeaux que je fais, mais que c'est François Pérusse qui les a fait en premier, mais moi, je les ai fait indépendamment de lui. Mm-hmm. Ça fait que j'ai le mérite de pas connaître tout de François Pérusse. Donc, commençons avec un bloc technologique dans C'est un fait aujourd'hui, Jean-Philippe. Le 21 septembre 1999, c'est la date qu'ils ont enlevé l'étiquette bêta sur google.com. Oh! Ça a pris un bout. Quand même. Ouais, quand même. Ensuite de ça, toujours en technologie, la saison de la grippe aux États-Unis est la pire depuis les 6 dernières années. En fait, c'est sur Google Flu Trends. Oui, ça existe, Google Flu Trends. C'est la cote la plus haute jamais enregistrée par Google Flu Trends. Et puis, c'est ça. Ben, c'est à son sommet en ce moment, je pense, la saison de la grippe. Bam. Y a-tu Google Truth Maps? Truth Maps. Là, tu vois toutes les malades un peu partout. Ah. Tu sais, ça les répertorie. Pis... Ouais, j'aime ça qu'ils répertorient d'autres affaires, genre les gens qui mentent. Ah! Tu sais? Ouais, ou l'indice de la menthe, à savoir si le thé est à la saveur la plus mentée. C'est bon. Le premier chef chez Google. Ils ont un chef, ont un chef. Des cuisines. Un chef okay. de cuisine. Je pensais être comme le chef caporal. Supérieur, oui. Ils ont des drôles de grades, eux autres. En général, mon général. Donc, le premier chef de chez Google, Charlie Ayers, précédemment, était le cuisinier des Grateful Dead. Le groupe de musique. Oui. Mm-hmm. Apple. Tiens, Apple force ses employés à travailler sur de faux projets jusqu'à ce qu'on puisse avoir confiance en eux. Donc, ils les mettent sur, apparemment, selon Internet, là, sur de faux projets qui ne donnent absolument rien. Ouais. C'est bien quand même, non? Ouais. Quand t'as les ressources à pouvoir faire travailler et payer tes employés ouais, pour rien. Pour rien, ouais. C'est que ça va bien, tes affaires. Si un employé de Google meurt, leur mari ou femme reçoit la moitié de leur paye pendant 10 ans. 10 ans? T'as le temps de te remettre sur pied là, après ça. Là. Ouais, quand même. Puis peut-être justement de tomber amoureux de quelqu'un chez Apple qui. voilà, qui travaille pour rien. Pour rien. la US Air Force, la force aérienne américaine. Comment qu'on appelle ça? L'armée aérienne. Ouais, l'armée de l'air. Ouais, t'as bien. Quand même possible. A construit un super ordinateur en utilisant 1760 PlayStation 3. C'est quand même puissant, cette affaire-là, imagine. Il est 1760. On se demande après ça pourquoi PlayStation 3 est dans le top. Bah, bah. S'il avait utilisé des Xbox 360, ça aurait fait le Red Ring of Death après un mois, c'est sûr. Oh. La console ne marche plus après un mois. C'est le fun quand t'as payé aussi cher. Ouais. Tu l'as envoyé par la compagnie, par la main. Finalement. Moi, ça me l'a fait. Pour vrai, hein, parce que je connais que du monde que ça leur est arrivé, ça, avec des Xbox 360. Ben, ils me l'ont remplacé, ça a bien été. Mais il a fait que tu le renvoies par la poste. Ouais. Ouais, c'est long. Tu joues pas pendant ce temps-là? Non. Puis là, je commence à shaker. Là. Ouais, puis tes points Microsoft, là, tes gold ben oui, membership, là, puis ton... Non. Un gallon de gaz pourrait... Et là, je vais essayer de la comprendre avec vous. Un gallon de gaz pourrait charger un iPhone une fois par jour pendant 20 ans. La puissance du gaz, mettons, l'iPhone fonctionnait au gaz, qui avait une petite porte du côté qu'on pouvait... Ça réglerait le problème de batterie. Ouais. Et le commentaire a bien raison. Je sens tout Trey Angles qui dit on aurait besoin de beaucoup plus qu'un chargement par jour pour un iPhone parce que quand même que ça gobe de batterie. C'est fou, hein? Je me lève le matin, je le débranche. Moi, je me lève tu sais, ben, relativement tôt. Là, beaucoup moins tôt que je devrais pour animer cette émission-là. Mettons 5h30. Ouais, quand même. C'est une demi-heure plus tôt que moi. Plus tôt? Tu te lèves à 6h? Ouais. Aujourd'hui, je me suis levé à 6h à peu près. Aujourd'hui, mais c'était grosse matinée. Ma première fois. Grosse matinée. D'habitude, c'est 5h30, 35h. Mais bref, à 9h30, 10h le soir, il est rendu à 3-4%. Ouais. Je peux même plus l'utiliser. Là. Tu peux plus faire la mise à jour parce que ça prend 50% de ta batterie. Et voilà. C'est ça, exactement. Hey, François-Olivier Marchand, tu te rappelles de lui? Exactement, c'est flou. Mais il travaillait ici au bureau. Et puis, il a fait une mise à jour et ça a planté pendant sa mise à jour. Et il a jamais réussi à récupérer. Il a fallu qu'il aille au magasin où il l'a acheté chez Roger, je pense, pour se faire réinstaller ça. Aïe, aïe. Ça voulait plus. iTunes voulait pas brancher sur le PC dans iTunes, ça voulait pas. Ah, mais moi, je suis pas capable de faire ma mise à jour. Ouais, t'es pas capable de faire ta mise à jour? Non, ça dit, vous devez être connecté sur Internet pendant que je surfe sur Internet, tu sais. Eh ben, wow! En tout cas, c'est un... Je sais pas quoi faire, Mathieu. Tous tes téléphones ont des problèmes, faut le croire. Ouais. C'est pas parce que, mettons qu'un Android ferait la même affaire, tu sais, ça ferait sûrement la même chose, on sait pas. Sûrement. Bref, toujours en technologie, parlons de jeux vidéo maintenant. Lorsqu'Harmonix a commencé à développer en secret le Rock Band Network, le réseau qui permet aux artistes de rendre leur musique jouable dans Rock Band, bon. Ils lui ont donné le nom non officiel de Rock Band Nickelback pour éviter la tension. Ils se disaient qu'ajouter Nickelback au titre allait empêcher les gens d'être curieux. C'est tellement drôle. C'est tellement chien. C'est chien, mais c'est tellement vrai. Eux aussi, ils travaillent pour rien. Oh, ils doivent être chapeau, quoi. Al Laboratory, les gars derrière Kirby et Super Smash Brothers, ben, je dis les gens, se sont nommés Al, H-A-L, en hommage à IBM, parce qu'ils sont une lettre devant IBM, tu sais. H, c'est avant I, L avant... A avant B, et L avant M, c'est les lettres qui précèdent immédiatement. Ils se sont dit, on est un pas devant IBM, donc chacune de nos lettres va être en avant d'IBM. C'est très drôle. C'est fort. Ouais. Dr. Wily's Swiss Bank Account, donc son numéro de compte en banque suisse à Dr. Wily dans le jeu Mega Man 9. C'est donc son numéro de compte en banque, c'est 19-871-217. C'est une référence à la sortie originale au Japon de Mega Man qui était le 17 décembre 1987. Donc 1987-12-17. Wow, hein? Ça, c'est subtil. Subtil, personne ne va le savoir, mais nous voilà en train d'en parler et c'est intéressant quand même. Le look, l'apparence de Samus Aran dans Super Metroid. Tu te rappelles, dans Super Metroid, c'était un jeu sur plusieurs... Je pense que c'était sur les consoles de Nintendo. Hein. Mm. Et puis, à la fin du jeu, on découvrait que Samus Aran était une femme. Oh. On pensait tout le long que c'était un gars. Puis là, à un moment donné, le costume s'enlève à la fin du jeu et c'est une femme avec les longs cheveux blonds et une grosse poitrine. Donc, son apparence dans Super Metroid est basée sur l'actrice Kim Basinger. Voilà. Tant mieux, hein? Il y a une photo côte à côte. Si vous voulez comparer sur assemblagerequis.com. Et finalement, si je vous fais entendre un clip son, un support auditif, vous allez peut-être remarquer quelque chose ici. Tu me diras ce que c'est. Hein? Un cellulaire qui sonne. Pas n'importe quel cellulaire. Non, non, non. Sois plus précis. Un Nokia. Ah oui. Évidemment. Oui. C'est une des sonneries les plus fatigantes du monde. Oui. Eh bien, c'est basé sur une vraie chanson. C'est Francisco Tárrega avec Grand Vals. On écoute ça. On essaie de trouver où est l'extrait dedans. Puis on vient après avec plus de cet effet. On va deviner. Aussitôt qu'on l'entend, on revient en anglais. Ouais. Parce que je vais danser un petit peu aussi, je pense. Il n'a pas fallu attendre bien ben longtemps. On le repart. On va l'écouter au complet après. Mais écoutez, juste le petit début. On recommence ici, une chanson de Nokia. Là. C'est moins agressant. Pas mal, hein? Tu penses qu'il se fait une cote à chaque fois qu'un téléphone sonne? Il doit être rendu pauvre, là, en ce moment. Je sais pas, Nokia, là. Ouais. Mais il y a eu un temps, il y a eu un bon temps. Ouais. Il a pu s'acheter des belles autos. Puis là, faut qu'il vende. Ça fit avec la musique. C'est tellement triste. C'est tellement déchu. On écoute un bout, on vient après avec plus de soin. Thank you. rempli notre émission de musique internationale. Et voilà. C'est très bien. Ça se réveillerait. Ben, pour de vrai, tu sais, autant la sonnerie tout à l'heure, ça me ferait vraiment chier me faire réveiller par quelqu'un qui m'appelle. Mais ça, par exemple, ouais. Je resterais probablement endormi. Mais je t'avais dit, je pense que ça fait un petit bout quand même, là, mais sur mon iPhone, si je peux trouver l'endroit où c'était, je m'étais téléchargé comme un gars qui dépense de l'argent sur n'importe quoi. des remixes, des sonneries, tu sais, mettons, sur l'iPhone, il y a des chansons ouais. connues, tu sais. Oui. Mettons, je vais arrêter ici. Mettons, on connaît cette chanson-là? Ouais. Ça, c'est mon réveil, ça. C'est le classique, le xylophone fatigant. Il y a aussi une version, écoute ça. Oh! Dubstep. Mais c'est incroyablement fatigant. Je n'utiliserai jamais, c'est ben trop gossant. Non. Ah! Inarrêtable, petit cellulaire. OK. Non. Non, merci. Hein? Ben, c'est intéressant. Merci. Ça fait plaisir. Ah oui, on pourrait laisser ça en train. Ben oui, mais c'est pourquoi pas. Sauf qu'elle est presque finie. Je pense que si on la laisse aller, là, d'après moi, là, ça va commencer à sonner à peu près comme ça. Bon, ben, je tenais de ce gag-là, hein, finalement. Il y a peut-être plein de gens qui ont fait des accidents parce que tout le monde pense qu'il y a un téléphone qui sonne. Hey, si quelqu'un a encore ce téléphone-là, ben, je suis vraiment désolé pour vous. C'est comme, je sais pas si t'as vu l'annonce de 19-2, pas celui de cette semaine, mais l'autre avant. Je pense pas, non. Ben, en tout cas, la télé était allumée chez nous, puis dans l'annonce, il y a un iPhone qui sonne avec, ben, tu sais, avec la sonnerie classique. Ouais. Fait à chaque fois, je me faisais avoir, là, je dis ah, téléphone. Mais voyons, j'ai pas de l'annonce. Non. Personne produit, là. Non. C'est pas correct. Non. Toujours dans cet fait, petit mini-bloc animal maintenant. Le condor de Californie, le California Condor, est le plus grand oiseau en Amérique du Nord, le plus grand oiseau qui vole. Okay? Donc, ses ailes peuvent aller jusqu'à 10 pieds, 3 mètres de bout à bout. De bout en bout. C'est le condor de Californie. Intéressant. Les moutons peuvent reconnaître d'autres moutons sur des photos, apparemment. Ah, quand il essaie de dormir. C'est mon chumé Bob! Non, quand il essaie de dormir. Hey, c'est Bob qui saute un. Hey, c'est Ginette qui saute deux. Fun. Ah ouais. Je sais pas s'ils donnent des noms. Ouais, ils sont bien intelligents, ces moutons-là. Ben, mais ça. Ensuite, c'est pas comme les moutons comme on les appelle d'habitude, genre. Ceux qui ont tout le temps les mêmes goûts que les autres. Mouton cadet. Mouton cadet. Okay, d'accord. C'est comme c'est le frère d'Angelo Calder. Oui, c'est ça. Le cœur d'une baleine bleue est tellement gros qu'un petit enfant pourrait nager dans ses veines. C'est gore. C'est pourquoi ouais. qu'un enfant nage dans ses veines. Les chinchillas peuvent sauter jusqu'à 6 pieds de haut. Tiens, chinchilla. Tiens, toi. Certaines pieuvres mangent leurs tentacules lorsqu'ils sont exposés à des situations stressantes. Ah, je stresse! Ah, au lieu de ronger leurs zones. C'est ça. Mange une tentacule, garde-la pour demain, puis après demain, puis après demain, puis après demain, puis après demain. La semaine des 8 jeudi. Et où? Albert Einstein n'a jamais su conduire. Fait qu'il y a de l'espoir pour moi, qui n'a pas de permis de conduire non plus. Mais, ouais, ça y servirait à quoi? À conduire, peut-être, non? Ouais. Mais là, il était pas si vieux que ça, là. Il y avait des voitures dans ce temps-là. Ouais, je sais, mais là. Peut-être qu'il y aurait eu un accident, puis il aurait pas pu faire ses belles découvertes. Ah, peut-être. J'avoue, hein, c'est un risque, conduire. Uh-huh. Ah, on parle rarement de ce gars-là, et tant mieux, là, mais Bruno Mars. Tu connais l'artiste Bruno Mars? Son vrai nom, c'est Peter Jean Byot Hernandez. Peter. Très bon choix de changer de nom. C'est peut-être le vrai nom de Peter. Oui, c'est ça. Je sais pas. C'est le même gars. On l'appelait Bruno. Ah, Bruno. Ah! Bruno. Oui, Peter. J'aime ça. Ouais. Est-ce que tu connais... en fait, tu la connais peut-être pas. Elisha Cuthbert. C'est une actrice américaine. Elle joue dans quelques petits films. Genre, elle joue dans la sitcom Happy Endings. En français, au Québec, elle joue dans Super Mechanics. Avec Jay Baruchel dans le temps. Non, bref. Non. Ceux qui la connaissent, Elisha Cuthbert est une ancienne top modèle de pieds. Donc, elle a apparemment de très beaux pieds. Oh. Le nombre de poulets qu'on utilise pour faire des ailes piquantes. Je l'ai peut-être déjà fait, celui-là, je suis plus sûr. En tout cas, pour faire des ailes piquantes pour la grande partie du Super Bowl. OK? Le nombre de poulets qu'on utilise pour faire assez d'ailes de poulet pour le Super Bowl, c'est équivalent à la population de New York City. Beaucoup de poulets, ça. Pas d'ailes. Ils font juste prendre des ailes. ils gardent les poulets. Le reste des poulets reste constitué comme ouais. ça. Je pensais que tu disais beaucoup de poulets, mais si on enlève toutes les ailes, ça va faire pouette. Tu enlèves l'aile à poulet. Ouais, ça va être pouette. Elle est bonne. C'est, elle, ouais, très bonne. Rapide, hein? Rapide, ouais. Rapide, rapide, rapide. Le plus petit joueur à jamais être apparu dans une partie de la Ligue majeure de baseball, c'était Edward Carl Gabdell, qui faisait 3 pieds 7 et pesait 65 livres. Puis si tu enlèves son L, ça fait Edward Carr Gabdell. C'est un petit poulet. Ouais, c'est un petit poulet, mais hein? Ouais, lui, ça va pas être évident, pas évident prendre sa place. Tu sais, il mesure tout 7 pieds. Oui. Il passe entre les jambes, là. C'est comme dans les films. Oui, oui. Les Américains dépensent plus de 630 millions de dollars par année sur des balles de golf. Oh! Le football américain a le plus haut taux de blessures de tous les sports. 12 fois plus élevé que le basketball, qui est en deuxième position pour les sports les plus blessants. Donc, le football et ensuite le basketball. Et ben, et ensuite, le baseball, quand tu pisses sur le gars qui est, ouais, qui est tout petit, c'est tout à lui qui a les petits coups. C'est pas méchant du tout. Non. Il y a un sport qu'on appelle le Banzai Skydiving. C'est que tu lances ton parachute en bas de l'avion et ensuite, tu cours attraper le parachute. Banzai Skydiving, c'est dangereux ça. Ouais. Tu sais, quand t'as plus assez d'adrénaline à faire du parachute. C'est ça, il me manque un petit quelque chose, moi, un petit défi. Besoin d'un défi. Ouais. Non. C'est quoi non. La prochaine étape, hein? Sauter de la stratosphère? Ouais, c'est ça, dans tes rêves. Non, le prochain, c'est de pas du tout lancer de parachute et espérer que quelqu'un t'en lance un dans le bas. Ensuite, toujours dans cet effet, là, on passe de sport à d'autres choses. Les dents du Viperfish, le poisson vipère qu'on pourrait dire, j'imagine que c'est ça son nom, hein, sont tellement longues, ces dents au Viperfish, que s'il fermait sa bouche complètement, il se perforerait le cerveau. Pas drôle, là? Non. Ris pas de ça, là! Poisson vipère! Ouais. Ouais. Tu sais, imagine le poisson vimère, ça. C'est le poisson aussi connu sous le nom de souriant. Si, il peut pas fermer tout la bouche. Tout en train de sourire. C'est ça. Le poisson, on reste dans le domaine des poissons, le ning-ning est un poisson africain qui fait tellement de bruit le soir que c'est impossible de dormir pour les autres autour. Il fait... Je pense qu'on a l'extrait, d'ailleurs. Non, attends un peu, là. Ah, laisse donc faire la blague tombe à plat, là, si ça prend autant de temps que ça, là. Ah, OK. Joue par-dessus, le fond. Mon Dieu. Quand j'ai essayé des affaires. Oui. Les vélociraptors de 8 pieds de haut dans Jurassic Park sont complètement impossibles. Dans la vraie vie, ils étaient à la grosseur de poulet. Ah, oh, 3 pieds 7. Ils n'avaient pas mangé leur croûte. Bop, bop, bop, bop, bop. Une dose fatale de café. OK. C'est environ 50 double espresso, deux coups secs. Tu bois 50 double espresso, ça va te tuer. Ça donne pas envie, ça? Ben, ça donne envie, là, mais... Ouais, mais... C'est peut-être de ça que tu meurs. Non, peut-être. Mais c'est surprenant, parce qu'il me semble que l'expresso, c'est ça qui a le moins de taux de caféine. Ouais, genre, c'est ça. C'est spécial. C'est vrai, ça. Mais ça doit être d'autres choses, là. Peut-être l'acidité. Peut-être. Mais justement, je pense qu'il y avait un autre fait là-dessus. Je lis ici une étude du National Cancer Institute qui a duré 12 ans. Chez 500 000 personnes, t'as 10 à 15% moins de chances de mourir si tu bois moins de 6 tasses de café par jour. Tu bois plus. Attends un peu, si tu bois plus. Le signe vers la droite, ça serait comme supérieur à, si je comprends bien. Ouais, c'est si le petit signe. Si mettons le signe se rejoint. Il pointe par à droite. Ouais. Je peux pas t'aider, Mathieu. Je l'aime moins. Faudrait que je le voie. C'est trop mathématique pour moi. Les chirurgiens ont essayé de fabriquer des implants mammaires avec du miel, de la vitre, de l'ivoire, de la laine et de la. De la paraffine, est-ce qu'on dit de la paraffine? Oui, oui. Dans le passé, ils ont toutes pas eu de succès, ça n'a pas marché. Non, tout avec leur raison. Hein? Ben, c'est délicieux par contre avec le miel, un petit peu de lait et du miel. Mais finalement, on se rendait compte que ça servait à rien parce qu'ils rapetissaient. Tout le monde les lichait. Tout le monde les lichait. J'ai mal à la gorge aujourd'hui. Oh, après un peu de mes seins. Ça dirait les ours. le peuple africain, les EFIK, E-F-I-K, qui, eux, adorent le gras. Ils envoyaient les femmes dans des fattening rooms, des chambres grossissantes, où ils pouvaient surmanger et ne faisaient pas d'exercice pendant jusqu'à un an. Le peuple EFIK. C'était efficace. C'est quelque chose, je sais pas, pas quoi dire là-dessus. Il nous en reste que quelques-uns, on se dépêche. Là. Les furets ont déjà été utilisés pour passer des fils dans les espaces très, très serrés dans les assemblages de navettes spatiales. Mais ils n'arrêtaient pas de s'endormir à l'emploi. Ça, c'est tout. C'est vraiment un chien, mais c'est toutes les navettes qui ont explosé. Oh. Mais là, tu ferais-tu vraiment confiance en furet pour placer tes fils de navettes spatiales? Non. Ouais, moi non plus. C'est un peu évident, hein? Mais non. Un enfant de 3 ans américain moyen peut reconnaître environ 100 logos de marque. Il va pouvoir jouer à Logo Quiz. Ah, ça a l'air bon, ça, Logo Quiz, hein? Ah, c'est dur. T'es sûr? Ouais, t'es sûr? Oh, ouais, j'ai joué à ça. Ben, je joue, là, je suis rendu niveau 7. Bravo. Merci. Est-ce que t'as eu l'aide d'un furet pour t'aider à passer le niveau? Donc, il s'est endormi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Oscars qui avaient lieu récemment, dimanche, ou hier, hein, les Oscars étaient fabriqués avec du plâtre peint. Ils peignaient du plâtre. Les gagnants étaient invités à plus tard les échanger pour des Oscars de métal. Parce qu'il y avait des rations, j'imagine. C'était rationné. En 2009, Josh Musinski. Musinski, je suis Josh Musinski. a utilisé sa carte Visa pour acheter des cigarettes, mais à cause d'un bug chez Visa, il a été chargé 23 quadrillions de dollars. Ça, c'est 23 avec 1, 2, 3, 4, 5 paquets de 3 chiffres. Hey, il y en avait toute une marge de crédit. Et colle! Aïe, aïe! Tu sais, ça a été approuvé, tout? Ouais, ouais. Waouh! Je sais pas, mais il y a eu un bug. Et finalement, Tony le Tigre a battu Newt le Gnu, Elmo l'éléphant et Cathy le kangourou pour avoir le poste de mascotte des Frosted Flakes. On le félicite d'ailleurs. Ouais, on félicite. D'ailleurs, Frosted Flakes qui ont une nouvelle boîte. Pour vrai? J'ai pas vu ça. Y a-t-il une nouvelle version du tigre tant qu'à faire? Non, mais ça rentre dans les tiroirs à cette heure. C'est une boîte qui est large mais plate. Tu sais, comme ça, tu peux mettre ça dans tes armoires de cuisine. Tu niaises? Non, je te jure. Hein? Oui. Ben voyons donc! Hey, j'ai fait la même réaction au IGA. Aplated Flakes. Oui, aplated. Je sais pas. En tout cas, voilà pour cet effet. C'est tout! Mm-hmm. On vient après la pause avec Simon Fitzbeat, sa chronique Fitzbeat. Restez là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui? Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. dire encore. Chut, chut, chut. Encore. Une dernière fois. Y a-t-il une autre? Non, faut-tu la rejouer, tu penses? Je sais pas. Je suis un petit peu... C'est ça le trip, hein? C'est ouais. Ça, ils veulent qu'on joue deux fois la chanson, mais ça marche pas de même ici. Bon. C'était des histoires de fantômes d'Hôtel Morphée à Assemblage Requis. Il est à 7h41. Jean-Philippe Charbonneau. Certes, Mathieu Plante. Mathieu Plante. Simon Fitzbé est là! Lui-même! Oui. Bonjour! Salut! Hello! J'ai pas ton téléphone à terre, là! Pas assez proche, pas assez proche. Maladroit, là! C'est un Android. C'est un Android! Ça brise pas, cette affaire-là! Non. Non. Voici Fitzbeat! Et c'est la chronique musicale Fitzbeat avec Simon Fitzbeat! Non, c'est un annonceur, c'est comme France Beaulouin. On était à lutte. À lutte, dans le coin gauche. Simon Fitzbeat, bienvenue à toi, bon matin. Et bon matin messieurs, ça va bien? Tout le temps, fait. Tout ouais, le temps. Ouais. Ouais, gros début de semaine, vous êtes remis de votre brosse de vendredi dernier. Je sais pas, j'ai pas bu tant que ça, j'aurais peut-être pu boire plus. Moi j'ai pas arrêté. T'as pas arrêté ça depuis. Ça sent jusqu'ici. Oui, c'est ça. Tu croyais que ça sentait l'humidité. C'est ça, mais finalement, c'est dans ta bouche, l'humidité. Ouais. Hein, c'est ça. Non, on est sorti pour le départ de François-Olivier. Bien sûr. On le salue, d'ailleurs. Il est peut-être sur la route pour se rendre à son nouvel emploi. À son 45 minutes de distance à Odanak, c'est bien ça? Oui, Odanak, en effet. C'est long, hein? Et... Mais une chance qu'il y a de la bonne compagnie. J'espère qu'il sera pas traître et qu'il va pas écouter une station avec une station avec un logo rouge. Là. Ouais. Est-ce que je peux prendre une seconde de ta chronique, Simon? Oh, bien sûr. Est-ce que vous avez vu la nouvelle annonce, justement, de cette station qui est rougeâtre? C'est laquelle? Parce qu'elles sont toutes rouges, ça. Je sais pas, c'est une animatrice sûrement, là, ça s'appelle Marina, c'est rouge. Je trouve ça dégueu. Marina, c'est rouge. C'est exact. Tu sais, c'est sur les gros panneaux autoroutiers. Ah ouais. Puis là, il y a comme sa face, puis elle a les deux mains comme ça. C'est rare qu'on voit des blagues de règles sur des annonces. Ouais. C'est spécial. Je sais pas si s'en sont rendus compte. Non, je pense pas. Mais moi, c'est la première chose à quoi j'ai pensé. Pas tampon. Ils s'en sont pas tampon rendus compte. J'espère qu'ils vont acheter des napkins à la chasse. Oh! Oh là là. Ils vendent des napkins à la chasse, ils sont rendus. Ouais, non, mais dans la toilette. Ah, la toilette des filles. Parce qu'on est rendus, les gars sont rendus dans la toilette des filles pour ceux qui s'en foutent pas, là. C'est-à-dire personne, finalement. Hein? Ouais. Bon, voilà, c'était même une minute, ouais. Je m'excuse. Commentaire éditorial. Donc, Simon Fitzbeat, chronique musicale, nouveautés qui sont sorties récemment, plus ou moins récemment. En fait, une nouveauté qui sort demain. OK. Et une pièce sur laquelle je suis tombé, que je trouve très intéressante, qui va sortir en version physique aussi dans pas long. Merveilleux. Mais on va commencer avec l'album de Atoms for Peace, bien sûr, Amok, qui va paraître demain dans les magasins. C'est... Bien sûr, un album signé Thom Yorke et Nigel Godrich, tout d'abord. Il y a d'autres musiciens là-dessus, mais ce sont les deux principaux. On pourrait s'attendre, en fait, lorsqu'on entend parler que Thom Yorke prépare un nouvel album avec Nigel Godrich, certains diront que ça pourrait sonner trop comme Radiohead. En fait, ils ont peur que ça sonne trop comme Radiohead. D'autres espèrent que ça sonne trop comme Radiohead. Et certains comme moi et plusieurs autres aussi ont aucune attente particulière et espèrent seulement entendre un bon album. J'adore Radiohead, mais ça me dérange pas s'il sort un peu de son canevas. Okay. Atoms for Peace, c'est d'abord Thom Yorke, bien sûr, qui a lancé son premier album solo, The Eraser, en 2006, mais qui a décidé de le recréer sur scène avec une formation qui allait devenir le groupe. Il s'agit donc de Thom Yorke au chant, ainsi qu'aux guitares, au beat, pour enregistrer Godrich à la production, ainsi qu'au beat, au synthétiseur et tout. Flea, qui est bassiste des Red Hot Chili Peppers, qui joue la basse, bien sûr, sur cet album-là. Jay Waronker, qui est batteur de session pour de nombreux groupes. Il a joué avec R.E.M. et également Outrageous, qui est le groupe de Nigel Godrich. Et le percussionniste de session est sud-américain Mauro Refosco, qui est un percussionniste de jazz brésilien, donc qui vient vraiment rajouter une couleur à cet album-là. Amok, c'est franchement intéressant. C'est une production qui est riche, bien sûr, puisque c'est quand même Nigel Godrich qui s'occupe de tout ça, qui est producteur attitré de Radiohead et de plusieurs autres groupes. Un son qui ressemble un peu à Radiohead, faut le dire, mais on sort rapidement donc des chantiers battus et des habitudes que le groupe prend lorsqu'ils réalisent leurs albums. On a une approche de la création, entre autres, qui est complètement différente de ce qu'on entend généralement ou ce qui est fait plutôt dans le monde de la pop. Le groupe a choisi, entre autres, de s'inspirer de la façon dont Miles Davis créait ses albums à l'époque de In a Silent Way, Bitches Brew et Water Babies, c'est-à-dire de rentrer tous les musiciens dans le studio, leur donner une ligne directrice et de jammer pour une bonne partie de la journée. Ensuite, on s'en va au studio, à la console, et on isole les meilleurs segments pour en faire des pièces. Donc, on travaille à partir de matériaux bruts pour ressortir quelque chose d'intéressant. Très bien. Probablement que la voix est enregistrée après et tout ça pour vraiment faire comme si sur la musique. Pièce. Ouais. Et donc, ce genre de procédé-là, ça a des bons côtés et des mauvais. Par exemple, lorsqu'on écoute la première pièce, Before Your Very Eyes, on a l'impression de tomber en plein milieu d'une pièce déjà commencée. Non. C'est comme pas de début. Mais c'est la seule occurrence, en fait, de ce genre de je dirais pas une erreur, mais ce genre de trucs là, en fait, c'est qu'on vraiment on commence avec un beat déjà. Est-ce qu'ils veulent que tu écoutes l'album en boucle et donc que le début ne soit pas son début, peut-être? Hey, écoute, ça serait peut-être une bonne idée. Peut-être que la dernière toune, ça commence. Tu sais, Radiohead, on ce genre de trucs là, hein, à jouer avec les albums et avec les sonorités des pièces, entre autres In Rainbows et l'album OK Computer sont deux albums qu'on peut fusionner ensemble parfaitement. Et qui ont été faites à 10 ans de différence. Donc ça, tout en écoutant Alice au Pays des Merveilles ou je sais pas quoi. Comme Pink Floyd. C'est ça. Ouais, ouais, ouais, c'est, j'avoue que c'est la comparaison quand même assez bonne. Donc, on peut se plaindre un peu de ce procédé-là. Par contre, moi, je soulignerais que, entre autres, Flea, avec sa basse et son humanité naturelle qui est rajoutée par-dessus les sons synthétiques et la froideur des sons électroniques, vient un peu contrecarrer les appréhensions plutôt qu'on pourrait avoir sur cet album-là. Certains n'aimeront pas aussi la surutilisation des percussions, parce que quand tu as deux percussionnistes en plus de beats électroniques rajoutés, ça peut, on peut avoir peur d'écraser un peu l'auditeur, mais tout tombe en place comme il faut. Franchement, il n'y a pas grand chose qui est laissé au hasard non plus là-dessus. J'aurais aimé peut-être un Tom York qui sort de ses habitudes, puisqu'il a son chant vraiment tout en longueur, aigu, comme sur les albums de Radiohead, comme sur son premier album solo. Mais c'est pas ça qui scrape l'album non plus, on s'entend. Donc, il s'agit d'un disque à écouter préférablement en seul avec de très bons écouteurs et une bonne qualité d'enregistrement, c'est-à-dire allez pas chercher un MP3 là, à 192 kbps. Vous allez manquer vraiment toute la richesse parce que la basse surtout descend très très bas. Les percussions parfois montent très aiguës ou vraiment vont être très très présentes. Ça vaut vraiment la peine d'avoir une bonne qualité d'enregistrement. J'ai essayé sur iTunes les versions quand tu télécharges, mettons, un album, que tu l'effaces et que tu le retélécharges directement du serveur, il te donne des AAC en qualité supérieure quand t'as iTunes Match. Ah oui? Ben, ouais. J'ai pas iTunes, t'as pas iTunes Match encore. 30$ par année. Tous les MP3 que t'as même illégalement acquis, tu les effaces de temps en temps, tu les retélécharges du serveur iCloud. Soudainement, t'as des AAC 256. Mmh. Apparemment, ils sont super bons. Je vais voir ça. Cool. Je vais voir si ça vaut la peine parce que je pense que j'ai plus que 25 000 pièces à envoyer. Je pense que t'as un maximum de pièces que tu peux faire. 25 000. Je sais pas si c'est peut-être 25 000. Peut-être trop. En tout cas, peut-être faire du ménage. Ouais. Non, mais j'en ai fait, le pire. C'est ah ça ouais? Qui est, ouais. Wow. Je vais voir ça. Donc, pour terminer, les compositions, je vous dirais, sont assez intéressantes et accrocheuses, mais la plupart demandent une certaine attention ainsi qu'une certaine quantité d'écoute, oui, avant de complètement apprécier tout ce qui se passe. L'album est disponible en ligne depuis lundi dernier et j'ai pas arrêté de l'écouter vraiment et je commence vraiment à l'apprécier beaucoup. C'est un genre de surproduction aussi qui pourrait en exaspérer quelques-uns, mais comme l'album est pas extrêmement long, c'est à peu près une quarantaine de minutes, on s'y accommode très bien. Bref, si vous êtes un fan de musique électronique, si vous êtes un fan de Radiohead et de musique expérimentale. C'est une valeur sûre et voilà. Donc, à acheter, à écouter, simplement. Il s'agissait donc de Atoms for Peace, tiré de leur tout dernier album Amok. Certains diront c'est Thom Yorke et Nigel Godrich en premier. C'est vraiment eux qui sont derrière le succès du tout premier album, et on verra qu'est-ce qui arrivera avec celui-là. J'ai l'impression que les gens vont vraiment aimer cette musique-là. Je dirais que cette pièce-là, elle m'a convaincu. Amok. Est-ce que c'était juste pour le jeu de mots? Oui, ou mais non, mais j'ai vraiment aimé ça. Mais ça a aidé que le jeu de mots soit comme basé dans la réalité. Parce qu'avant la pièce, j'allais dire, parce que l'album, le groupe s'appelle Atoms for Peace, mm-hmm, c'est ça? Mm-hmm. J'allais dire, j'allais essayer de faire semblant d'avoir un problème avec la tune, ça, puis dire, attends un peu, please. Peace. C'est bon. Mais je l'ai pas fait, tu vois. Ah non, mais c'est bien. Je l'ai pas fait. Non, mais je t'encourage à le faire la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois. Donc, il s'agissait bien de la pièce Dropped. C'est Dropped. Ouais, c'est exactement. Ça, Dropped. Qui est tiré de cet album. Album de 9 pièces, donc un petit album, mais qui vaut la peine, selon moi. Et si vous êtes capable de vous le procurer en version physique, parce que je suis sûr que le son va être pas mal meilleur, moi, je vais courir en magasin pour aller l'acheter. Enfin, je te pas. Pareil. Non, je vais essayer de pas trop m'enfermer. C'est quoi la blague, mais enfin, je trouve pas drop. Ben, c'est trop. Je pourrais pas dropper. Dropper, ben, c'est ça, l'échapper, puis en fait, enfarger. Ah. Des fois, quand il faut trop l'expliquer, c'est pas très bon. Ah, mais si tôt le matin, je sais que pour vous, c'est pas tôt, c'est déjà une heure que vous êtes en onde. Mon cerveau, il run. Donc, voilà, pour ce qui est de Atoms for Peace, et là, présentement, j'essaie de retrouver, voilà, mes notes sur mon ordinateur, pour vous parler d'une pièce seulement. D'un groupe que je découvre tranquillement pas vite. Ils ont seulement 2 pièces à leur actif. Il s'agit de la formation Violet. C'est une formation britannique. Moi, j'ai trouvé ça sur Breaking More Waves, qui est un blog indépendant britannique. Mais ça a été repris sur plein de blogs depuis ce temps-là. C'est la formation de Pixie Geldof, la fille de Bob Geldof. Est-ce que vous savez qui est Bob Geldof? Pas moi. Je pense que la fille, c'était une vedette de télé-réalité pendant un long moment. C'est peut-être sa sœur Peach. Peut-être sa sœur Peach, ouais, exactement. Ouais. Peach. Voilà, Peach Geldof. Oui, Pixie est un peu plus, tranquille, okay. Moins devant les caméras. Mais bref, Bob Geldof, c'est le père du Live Aid aussi. Le père de ces deux filles-là. Également le fondateur de la formation Live Aid. De pas la formation, mais l'organisation Live Aid, okay. Le truc de bienfaisance. Concert à travers le monde. Il y a eu Live 8 en 2005. Également, Do They Know This Is Christmas, enregistré, bref, plein de trucs pour l'Afrique. Et c'est également le chanteur des Boomtown Rats qui chantait Tell Me Why I Don't Like Mondays. Ah. Et pièce icône des années 80. Donc, adoré par Alain Lefebvre. Non, c'est pas vrai. Il déteste cette pièce-là. Des fois, hein, quand on dit que c'est quand on fait du sarcasme, hein, c'est pas toujours... Il jouait le rôle de Pink dans l'album The Wall de Pink Floyd. En fait, dans le film The Wall de Pink Floyd. OK. Bref. Je dis tout ça sur Bob Geldof parce que j'ai pas grand-chose à dire sur Violet. Parce que ils sont pas totalement inconnus, mais pratiquement, parce qu'ils ont juste 2 pièces. Il n'y a pas d'album, et même que la pièce que je vais vous présenter aujourd'hui, Where the Wild Things Grow, c'est tout simplement un démo. Ils appellent ça même un rough démo. Moi, je mettrais ça sur l'album, ça serait parfait. Okay. Donc, une pièce, une musique relaxante, une voix très, très porteuse, très profonde. Franchement, un groupe à surveiller. Voici donc Violet avec la pièce Where the Wild Things Grow. Pixie, vous mettez... quand même, je rate ma blague. Pixie, vous aimez ça, vous le procurez. Bon, on a compris, Pixie. Secret room. It's easy to forget these highs or lows, 'cause soon they go, soon they go. I'll meet you where the wild things grow. I'll love you forever, you know. It's easy to forget these highs or lows, 'cause soon they go, soon they go. Where the wild things grow par Violette. Dans la chronique Fitzbeat de Simon Fitzbay. Et on vous rappelle que vous pouvez vous procurer la pièce sur SoundCloud en cherchant Love Love Love Records. L-U-V. Tout à fait. Where the Wild Things Grow, c'est un peu long à retenir, mais bon. On retrouve Simon Fitzbay à son émission Album Classique les vendredis matin à 10h. Ensuite, à 11h, c'est les éphémérides du rock dans Rock Classique. Et puis, bien évidemment, il va être avec nous lundi prochain à 7h30 pour une autre chronique Fitzbeat. Et on termine la première heure de l'émission ici. Tout à l'heure, Carina Tardy et la chronique UQTR en spectacle 2013. On va recevoir Olivier Lessard, auteur, compositeur, interprète. Sinon, la deuxième heure, qu'est-ce qu'on aura? On aura notre ami Alexandre Carignan, qui va être là pour le temps de culture. Sébastien Dulude avec Va voir ailleurs, j'y suis. Et beaucoup plus. Ah! Mais pas tant que ça, mais un peu. Ouais, ça, c'est l'info campus. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 25 février 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Ah, ben oui, une chance, hein? Ben oui. Une chance, sinon qu'est-ce qu'on ferait? Ben, ce serait ça qui jouerait. Sûrement, j'étais pas là. Parce que... C'est pas où sont les thèmes. Bon, je te montre où sont les thèmes, même pendant que je suis malade. Hey, Carina Tardy est là. Bon matin. Bon matin. Troisième semaine de trois. Eh oui, dernière semaine, oui. Ben, ça va être une semaine chargée, hein, parce qu'il nous reste encore deux participants à recevoir, ouais, ainsi que les animateurs et le porte-parole. Oui, absolument. Ça va être une belle semaine. Exact. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Lessard, auteur, compositeur, interprète, et on lui dit bien bonjour. Ben, bonjour à vous, bon matin. Ça va? Ça va très bien, oui. Tôt ce matin pour parler de ton talent. Oui, un petit peu tôt. Est-ce que tu veux te présenter avec ton domaine d'études et ce que tu fais, ce que tu vas présenter? Oui, donc je m'appelle Olivier Lessard, je suis en première année en loisirs, culture et tourisme, mais je suis aussi à temps partiel auteur, compositeur, interprète. Je vais faire deux chansons cette semaine écouter en spectacle. Ah, c'est très très bien. Depuis quand est-ce que tu composes tes propres chansons? Je compose, je dirais, depuis que j'ai environ 14-15 ans, depuis le jour où j'ai commencé à jouer de la guitare. En fait, j'ai commencé à composer des chansons plus ou moins bonnes et par la suite, ça s'est sérieux-tisé. Sérieux? J'aime ça, il y a vraiment des mots, c'est cool. Qui t'inspire dans ton écriture ou qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire la vie en général? Qui m'inspire? Je dirais que j'écoute beaucoup de musique, peut-être des Richard Desjardins, Daniel Boucher, Philippe B. de ce monde et compagnie. Là. Super, super, super. Si tu avais à comparer ta voix avec un chanteur, ce serait qui? Un ou plusieurs? Et là, ça peut être difficile, là, je sais pas. Ouais, ben c'est un peu difficile. En fait, j'aime beaucoup chez les auteurs, compositeurs, interprètes qu'il y ait une voix qui se démarque des autres. Donc, j'espère un peu que la mienne se démarque aussi. J'aurais de la misère à la comparer. J'aime beaucoup la voix de Louis-Jean Cormier, mais tu sais, j'oserais pas dire que j'ai ce genre de voix-là, mais si quelqu'un me le dit à un moment donné, je serais heureux. Est-ce que tu as de l'expérience sur scène? Ouais, absolument. En même temps que j'ai commencé à jouer de la guitare et à composer des chansons, j'ai commencé à faire des shows aussi. J'ai joué de la batterie un peu avant, donc j'étais dans plusieurs groupes dans ma région natale, la Beauce. Et c'est ça, j'ai fait avec mon dernier groupe qui était un peu plus... pas plus sérieux, mais avec lequel je faisais mes propres chansons. On a fait plusieurs bars de la région de la Beauce ainsi que diverses petites salles. Ton trio, c'est le trio engagé? Oui, absolument. C'est le trio que j'avais là. Ouais. parfait. On va l'entendre en extrait. C'est sur cet album-là, mais c'est la seule pièce qui est toi seul, si j'ai bien compris. Oui, en fait, elle n'est pas moi seul. Elle commence moi seul. Okay. Après ça, le groupe va embarquer. Ça se trouve être un bassiste, un drummer. Mais vous allez quand même reconnaître le type de chanson que je vais faire. Ça s'appelle Elmer. C'est la première chanson sur le démo. On écoute ça et on continue de te parler juste après. Parfait, merci. Un roi au nirvana, seul mon inconscient est conscient. T'arrives au milieu de mon rêve. Vas-y, prends-le, garde-le pour toi. Je retourne en bas. Je ramasse ma guitare, une bouteille de Ricard. J'enfile quelques arpèges, mais alors ils ont ta couleur. Banana. Ça y est, j'ai compris la ruse. On te paie pour être ma muse. Être ma muse, ça t'amuse. Mais m'aimer, c'est trop demandé. Moi, je t'accuse et toi, tu muses. Tu me brûles comme une méduse. Et t'es tout le temps dans les parages. T'es l'auteur de mes carnages. Ferme les yeux, je compte jusqu'à trois. Je ferme les yeux, je les ouvre, t'es encore là. Tu veux de moi une chanson d'amour court toujours. Je ne t'écris rien d'autre que des navets, des mots sans sens, des idées désordonnées, jusqu'à ce que tu ne cesses d'user de moi pour vrai. Pour vrai. Pour vrai. J'ai pas besoin de l'amour, j'ai ce qu'il me faut dans ma cour. Tu ne me réconforteras pas de l'inconfort de toi. Je peux très bien. Ma apocalypse, c'est moi-même. Et t'es tout le temps dans les parages. T'es l'auteur de mes carnages. Je ferme les yeux. Je compte jusqu'à trois. Je ferme les yeux. Je les ouvre. Et encore là. Je ferme les yeux. Je compte jusqu'à toi. Je ferme les yeux. Bisous. Et encore là. Un roi au nirvana, seul mon inconscient est conscient. T'arrives au milieu de mon rêve. Olivier Lessard et la pièce Elle Muse à Assemblage Requis. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir. Beau travail et merci, merci. Bonne chance à QTR en spectacle. Merci, à jeudi. Oui. Karina, oui. Toujours au QTR en spectacle 2013 qui a lieu jeudi. C'est dans 3 jours à peine. Oui, c'est ce jeudi 28 février à 19h au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Mm-hmm. Pour d'autres informations là, pour sur les participants, etc., on invite tout le monde à aller voir sur la page Facebook. Donc, facebook.com/... UQTR en spectacle, 9 éditions. Sinon, on peut c'est chercher comme... UQTR en spectacle. Oui, aussi. C'est le premier résultat. Puis, on a beaucoup d'articles qui sont sortis sur nous aussi cette semaine, ouais. Parce qu'on a eu une conférence de presse la semaine passée. Donc, 4 journaux, je crois, là, puis VTL aussi. Donc, vous pouvez vous renseigner là-dessus. C'est très intéressant. Ah, hein? C'est Big Shot, pas mal? Oui. Ben, tant mieux pour vous, c'est bien. Puis, les billets aussi sont en vente. On a un kiosque au deuxième étage. Mm-hmm. Au coût de 7$, les participants en ont et les membres du comité organisateur aussi en ont avec eux là, en tout temps. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est noté. UQTR en spectacle 2013. On remercie Karina Tardy. Merci à vous. Et Olivier Lessard encore une fois. Merci. On écoute Bernard Adamus pendant quelques minutes, le temps d'accueillir Sébastien Dulude et son éditorial culturel Va voir ailleurs, j'y suis pour l'instant. Voici l'extrait Arrange-toi avec ça. toi. Tu m'enseignes même cours après le samedi, d'autres t'as bien la peine qui s'aime. J'ai pour mon dire que les poches bien pleines quand t'y regardes pas, le vide les tiennes. Tu montes dans toi, mais l'autre dans le chemin. N'est que tout un autre qui se plaint. N'est que tout un autre qui se plaint. Deux, trois becs plates avant d'y aller, pis ben du courage pendant le souper. À tous les soirs, il est 22h, pis y'a du monde quelque part sans l'air ailleurs. Des gars bien croches qui roulent la porte en tas du monde bien drette, ça coupe des plages. Y'a 9 à 5 pis le gars qui se craque, bah t'sais, hex à 6 quand tu te crossiens. Fais ex que tu quand tu n'as pas. Arrange-toi avec ça, Bernard Alamus, à Assemblage Requis. Hein, ça, c'est du sale. Du sale. Donc, tu sais, on retrouve un gars qu'on a perdu depuis longtemps, en fait. Ça fait au moins un mois et quelques qu'on n'a pas vu en direct. La dernière fois qu'on lui a parlé, c'était préenregistré. C'était fake. J'ai joué le rôle d'un gars en direct à la radio. Oh, un coup de théâtre encore. Mais oui. Milli Vanilli. Mais le voici en vrai, il est là, je le vois, je le reconnais. C'est Sébastien Dulude. Et la chronique qui part là. Voilà. Bon matin, Sébastien. Bonjour, messieurs. Ça va? Ça va bien, vous autres? Pas pire. Pas mal en forme. Good. J'ai entendu dire que t'étais dur envers les gens, moi. Ouais, j'ai entendu ça, moi aussi. T'es dur. Ouais, on trouve ça dur. Solide. Ben, c'est ça. Mais c'est une job à faire. Puis quand tu fais ta job, t'as fait. La job, des fois, c'est de brasser des affaires. Fesser sur du monde un peu, là. Ben, fesser. Pas littéralement, fesser. Mais... Mais en s'amusant, en souriant. Mais c'est sûr que des fois, il y a des commentaires qui font réfléchir. Mais on me le dit de plus en plus. T'es dur. Mais bon, ça, en même temps, je trouve ça bon. On dirait c'est comme on lit mes chroniques, on les écoute. Ça sonne le fun. Là, ça a l'air à bien passer. Mais on me dit que je suis dur. Mais moi, je sais quoi, dur comme dans difficile ou pas difficile à suivre, j'espère, ou à lire. Non, je pense que non. En fait, difficile, à mon avis, c'est peut-être dans mes goûts. Là, je suis peut-être un peu... T'es sélectif, maintenant. Sélectif, exactement. C'est ça, mais en même temps, c'est parce qu'on a le choix. T'sais, on a plein de cultures, on a plein d'affaires. À moi, à un moment donné, là, prendre tout pour tenir tout pour acquis, non. Oui. Donc, la vie est trop courte pour écouter des mauvaises affaires. Bon. Ouais, fait que non, il faut savoir choisir. Donc, je suis peut-être dur comme dans pas mou, hein, comme dans pas doux tout le temps. Mais je suis doux, mais je peux être dur aussi. Mais laissez-moi un peu vous parler d'où j'arrive, puis peut-être qu'on va pouvoir comprendre un peu comment j'en suis arrivé à penser comme ça. Culturellement, là, je me dévoile pas complètement, mais disons, à 15-16 ans, il fallait que j'écrive un poème pour un cours de français. Je me souviendrai toujours du monsieur, tout ça. Et puis, mon réflexe naturel, moi, pour écrire un poème, en tant que, maintenant, écrivain, chroniqueur et tout ça, littéraire, alors, mon premier réflexe naturel, c'était de traduire une toune de Metallica. Alors, j'ai traduit ça, j'ai gardé toutes les rimes, le rythme. J'ai vraiment pas essayé de changer rien, l'apprendre comme ça. Hein, ouais. Et puis, j'ai eu une excellente note pour ce plagiat. Ça a été vraiment... une belle douce tape dans le dos là, qui m'a encouragé. Là. C'est vraiment un encouragement dont je me souviendrai toujours. Il m'en fallait pas plus pour commencer à écrire mes propres poèmes. Et puis donc, j'ai découvert Baudelaire, un poète qui est mort il y a 150 ans quand même. Nelly Gant, un poète qui est mort il y a 70 ans. Et comme tout jeune poète, donc j'étais lancé, j'étais un poète maudit. Je me sentais vraiment là comme un poète romantique. Le spleen m'accablait, ma poésie était noire comme les eaux du Styx en enfer. Et ces poèmes, je les imprimais dans Word avec une mise en page quétaine, trop de typographie. C'était Word art. Word art, tout à fait. Et je faisais lire ça à mes bons amis. Puis comme j'étais le seul de la gang à écrire, ben j'avais que des bons commentaires, des encouragements, des petites tapes dans le dos. Des petites tapes polies dans le dos. Là. À un moment donné, là, ça fait un job. Puis après ça, ben la vie s'est chargée de me donner une leçon d'humilité. J'ai mis la main par hasard sur un livre qui s'appelle « Porter plainte aux criminels ». C'est un auteur québécois qui s'appelle Denis Vanier, un poète décédé en 2000. À l'âge de 51 ans, et je suis tombé par terre sur ce recueil-là. Moi, j'avais l'impression que ma poésie frappait fort, que mes mots étaient sombres, que ça en jetait par le pouvoir de ces mots-là choisis là, vraiment pour tuer tous mes lecteurs. Là. Il y a des affaires comme « Je suis une mouche morte dans un bocal et qui combat l'ataraxique ataxie ». C'est comme du slam 20 ans c'est avant. Vrai? Là. Mais je pensais que ça en jetait, mais pas du tout. Parce que manifestement, Denis Vanier, là, quand je l'ai lu, là, manifestement, les poésies comme la mienne, là, il se torchait le cul avec ça. À chaque matin après déjeuner, avec mes pauvres vers de jeunes Werther pubère. Donc j'ai pris la leçon, non pas comme une tape dans le dos, mais comme une solide gifle au visage. Il ne suffit pas de vouloir faire de l'effet. En poésie, je me suis rendu compte qu'il faut en faire de l'effet. Il faut faire. Faire comme d'en construire, d'en créer. Et ça, ça implique de l'effort. Alors, ça vient pas là, de l'éther, de ma pseudo-déprime adolescente. Là. Ça a pris un peu plus de concret que ça. Donc ça, ça a été dur. Ça a été pas mal plus dur qu'une tape dans le dos. Et je l'ai pris, cette gifle-là. Même chose pour mes petites chansons que je composais à la guitare. Là, ça aussi, j'étais le seul à faire ça dans la gang. Fait que... Ah, puis il y avait mon frère qui avait un petit studio. Puis il m'a enregistré, puis... Ben lui, il voulait se pratiquer à enregistrer. Fait qu'il disait, ah, t'es tout, c'est correct. Ça rappelle Daniel Boucher. J'ai dit, ouais, Daniel Boucher, c'est encourageant. Ouais, ça ressemble à quelque chose. Mais c'est ça le problème, tu sais. C'est quoi l'intérêt? Mais c'est ça. À un moment donné, je sais pas comment, mais Daniel Boucher, les colocs même, Harmonium surtout, j'étais là, tout d'un coup, ça me parlait plus du tout. Il y a quelque chose à un moment donné, c'est comme si j'avais vidé ça. Ça me dérange pas si ça joue à radio, mais il y a plus rien là-dedans qui me parle. Puis un gros problème que j'avais, c'est les rimes, là. Je ne comprenais plus pourquoi, dans le fond, on se cassait la tête à faire des rimes. Et puis en poésie, je me suis rendu compte que c'était terminé, ça. Baudelaire, ça fait 150 ans qu'il est mort. Nelly Gant aussi. C'est une mode. Depuis Saint-Denis-Garneau, 1936 à peu près, il n'y a pas de rime en poésie québécoise. Il n'y a pas de rime nulle part. On n'a rien contre, mais ça ne sert plus. Il y a une fonction. Là, je ne donnerai pas un cours de poésie aujourd'hui, mais à un moment c'est donné... Déjà là, fait, bon. Et oui, puis c'est ça. Puis de s'enligner là-dedans, ça devient complètement prévisible. C'est un carcan inutile. Absolument. Donc, j'imagine que ça s'appelle prendre la maturité. Ça, de, je parle pas simplement genre de prendre de l'âge ou de vieillir, mais de développer une espèce de capacité de pouvoir lire puis accepter la réalité. Là. Le reality check, il arrive, tu fais comme « OK, j'encaisse, on va aller plus loin ». Tu sais, comme genre, à un moment donné, tu te dis « OK, tes tunes sont vraiment banales. Là. Il faut que... » Tu sais, même si tes amis aiment ça, là, rends-toi en compte, c'est banal. Ou bien genre, ta poésie, là, elle a pas de guts. Elle a zéro guts. Là. Fait qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses avec ça. Là. On peut pas t'encourager non-stop à triper de même. Là. Donc, à un moment donné, c'est ça. C'est dur. Puis après ça, ben, il faut se battre contre soi-même. Là. Je parle surtout en écriture. Il faut vraiment... Ben, premièrement, il faut que ça nous habite complètement, qu'on en fasse une véritable obsession pour continuer à écrire parce que... On se demande vraiment des fois pourquoi on fait ça. Ensuite de ça, il faut jeter tout ce qu'on fait, presque. 90% de ce qu'on écrit, il faut jeter. T'archives pas tout ce que tu fais, tu gardes pas son archive. Hein? Ben, ça devient un piège. À un moment donné, ou en tout cas, tu peux bien le garder dans un document quelque part, mais... Tu regardes-le pas trop souvent. C'est ça. Ça va avoir servi à être sorti, puis that's it. Puis à un moment donné, il y a un 10% de tout ça qui peut... le classique, j'écris 15 pages, puis je garde un paragraphe. C'est courant, c'est souhaitable. Okay. Il faut sacrer ça au vidange, là, l'idée ridicule qu'on a du talent. À un moment donné, on parle de la facilité, mais c'est peut-être ça le problème aussi, mais le reste, c'est vraiment du travail, de l'effort. Puis pourquoi on fait ça? On est-tu habité par ça ou pas? T'sais? Donc, ben voilà. Puis ben maintenant, mes petites tounes, là, moi, je gratte ça à la maison, devant mon chat. Puis c'est parfait comme ça. Là, ils me font du bien. Puis je les aime bien. Je les ai pas jetées, finalement, ces petites tounes-là. Mais tu sais, ça reste dans le tiroir. Ça reste dans le 4,5. Puis je continue aussi à me battre pour sortir quelques bons petits textes par mois, quelques poèmes qui ont de l'allure. Je commence à peine, là, après, comme un bon nombre d'années quand même d'écriture, à commencer à comprendre qu'est-ce que je fais là-dedans, qu'est-ce que j'ai à dire. Puis je continue de jeter là, trois quarts de ce qui se passe, puis c'est comme ça. Et puis, est-ce que je suis dur? Ben peut-être. Mais tu sais, c'est ça que je disais, c'est un job que j'ai à faire. Mais l'ébéniste, en poésie ou en chronique, mais l'ébéniste là, qui fait un meuble, là, il dira pas que c'est drette si c'est pas drette. Là. Il va être dur avec lui-même. Ouais. À un moment donné, je veux dire, si c'est pas drette, c'est pas drette. Le pilote d'avion, quand il vient pour atterrir, là, il se compte pas de bullshit. Là. C'est à un moment donné, j'atterris-tu de même? Ou, faut être sévère envers soi-même si tu veux donner un bon travail. C'est ça. Il doit avoir 90% de mauvaises idées pour atterrir, puis un 10% où c'est là que ça se passe. Puis c'est là que ça se passe. Je veux dire, on atterrit un avion. Là. Bon, ben, c'est la même affaire. Moi, c'est ça. J'appelle ça une éthique. Donc, ce qui fait que ta toune, là, ta petite toune, là, tu viens de faire un petit clip, là, puis là, tu mets ça sur Facebook, tu voudrais qu'on la partage, puis qu'on la live, puis qu'on aime donc ça, puis qu'on te donne des tapes dans le dos. Là. Mais es-tu drette, ta toune? Es-tu vraiment drette? Là? Puis mettons, t'as fait jouer à Richard Desjardins, là. Tu veux-tu qu'il te donne une petite tape polie dans le dos ou qu'il te dise « Aïe, j'ai des frissons, man ». C'est ça, c'est, il me semble que c'est là que ça se passe. Là. Si tu penses que tu as quelque chose à dire en chanson, là, OK, vas-y, mais dépasse-toi. Là. Dépasse, dépasse, dépasse. Puis si ta toune, elle sonne bien, elle est accrocheuse, elle est sympathique, ben saxo au vidange. C'est juste, c'est juste pas assez. Je veux dire qu'une toune sonne bien puis qu'elle soit un peu accrocheuse, c'est, je veux dire, c'est juste pas assez présentement. T'es en 2013, là. T'es pas le premier, là. T'es le 800 millième auteur, compositeur, interprète de l'histoire du Québec. Là. Ajoute pas une banalité de plus dans le paysage. Là. C'est pas parce qu'on a Facebook que tu as 16 likes aujourd'hui que. C'est pas ça. Là. C'est, à un moment donné, c'est plus dur que ça. Il faut être dur avec soi-même. Un autre exemple, plus concret. Et je termine avec cet exemple-là. Toi et tes amis, c'est un exemple là, à peu près fictif. Okay. Bon, toi et tes amis, là, vous êtes chanteurs. Vous avez des voix vraiment superbes. Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes bien élevé, ça paraît. Puis là, vous louez un local de pratique. Vous écrivez des tunes, vous écrivez des arrangements, vous pratiquez, ça c'est fantastique. Vous faites du jazz vocal, mettons, du barbershop. On invente des choses. Non, ouais. Mais c'est parfait, ça. Pas de problème avec ça. Tu fais ça, t'as un local, t'es talentueux, parfait. Mais veux-tu bien m'expliquer comment, dans des conditions aussi extraordinairement parfaites pour la création artistique, comment que quatre gars arrivent, tu sais, des quatre gars dans la vingtaine, là, des chums, là, que tu sais, dans le local, ça doit déconner, ça doit parler de filles, là, ou de gars, je sais pas. Ça doit, tu sais, boire des bières, ça doit sacrer des volets à Fight Night Champion, tu sais, genre. Bon, remettons les tripes pierres précieuses, ou peu importe. C'est ça, mais ils tripent. Je dis, quatre gars dans la vingtaine qui tripent dans un local de musique, veux-tu bien me dire comment quatre gars qui tripent de même, qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur voix, comment, maudite merde, tu peux nous arriver avec un vidéoclip où on vous entend chanter un medley de tunes de One Direction, Fun, puis Mika, en faisant des anges dans la neige, puis de se pitcher de la neige, puis faire semblant de vous amuser comme si vous étiez dans genre hip-hop et rock, là. Hip-hop et rock, là, pour ceux qui savent pas, ça ressemble un peu au vidéoclip de Weezer, Buddy Holly, là. Il allait manger tout le temps au restaurant, il prenait un milkshake, puis ça finissait toujours en dansant sur des tables, parce que c'est ça, le rock. Il y a une espèce de parodie de boys band des années 80. Et je peux pas croire que quatre gars en 2013 s'enferment dans un local de musique puis sortent avec ce concept-là. Hey, on va aller faire des anges à Sulil 50 ans, on va faire une vidéo puis ça va passer à Salut Bonjour. Je ne comprends pas. Je ne m'explique pas une telle chose en 2013. Ça avait, tu sais, des gars qui ont du talent, là. Je le mentionne encore. Mais je voudrais juste leur dire de profiter des tables dans le dos tant qu'il y en a. Profiter de ce vaste auditoire, niaiseux et endormi par la voix, la star et la prochaine saveur du mois. Parce que moi, je peux te prédire une affaire. Ça va être dur, ça va être vraiment très dur quand tu vas voir ton petit vidéoclip pis ta face d'ange dans la neige, mais que tu vois ça de l'heure à clip ou à Total Crap dans 25 ans, là. Ça va être dur. Pas mal plus dur que moi aujourd'hui. Sébastien Dulude. Hein? Il fesse pas, mais tu sais... Il flatte pas non plus, nécessairement. Moi, c'est pour ça que j'ai rien dit. C'est ça. On te retrouve toutes les deux semaines dans le journal Zone Campus, sur zonecampus.ca, ici à Assemblage Requis, les lundis à 8h environ. Ish. Aux deux semaines. Là, ça va redevenir plus le vrai 8h, ouais. Éventuellement. Donc, on se quitte. Merci encore une fois. Avec grand plaisir. Vraiment, ça me rappelle le souvenir de... Au retour, on a juste nos montres quartz. Quartz, c'est un rappel de blague de Sébastien tantôt, mais on l'a pas dit. Quoi? Non. Il est temps d'une culture après la pause. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Charles-Antoine Rioux du club plein air UQTR sera avec nous pour sa chronique trucs et astuces. Michel Lebrun analysera l'actualité juridique dans Panier à salade et le segment sur les goûts bien spécifiques d'Angie Durocher, l'Alex. C'est demain 7h à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Il est 8h36, Jean-Philippe Charbonneau est toujours là. Mathieu Plante aussi. On aime ça. Ben oui. On aime ça, c'est vrai, elle l'a dit. Qui sommes-nous pour contredire l'annonceuse? Alexandra Carignan est là, toujours d'accord, elle aussi avec l'annonceuse, j'en suis sûr. Voici le temps d'une culture. Bon matin. Bon matin. Ah, ben, Colin, tout le monde prend le droit. C'est ça. Allô? Bon matin. Allô? C'est ça quand quelqu'un change les micros de place, Jean-Philippe. C'est pas moi. Non, OK. Moi, j'ai déplacé la chaise. Je pense que c'est ça qui a tout mêlé. Tantôt, on manquait de chaise en studio, mais c'est qu'il y en avait une qui était occupée par le manteau de Jean-Philippe. Oui. Mais c'est quelqu'un d'important. Là. Faut pas le sous-estimer. C'est rendu le co-animateur officiel. Ben oui, c'est là. Ça. Il a le droit de s'étendre un peu. Donc, bon matin, Alexandra. Pour vrai, j'espère que ça va. T'sais. Oui, ça va. Ouais. Ça va, mais ça reste à ce stade-là. Okay. Ça va. C'est linéaire. Hier soir, ça allait mieux parce que c'était les Oscars. Elle essayait de faire un lien. Moi, j'essayais d'y faire à sa place, mais finalement, ça n'a pas marché. Capable Mathieu. Tout seul, Mathieu. Capable. Ben oui, en fait, aujourd'hui dans ma chronique, je vais parler de deux choses qui ne sont pas du tout trifluviennes. Donc, je m'internationalise aujourd'hui. On va parler d'un spectacle qui a eu à Montréal ce vendredi et des Oscars qui ont eu lieu hier au Dolby Theater Center. C'est l'ancien Kodak Theater, c'est ça? Hey, c'était donc bien sublime, là. J'en revenais pas. Quand il y avait des tours de caméra de la salle, là, c'est donc bien la plus belle salle au monde. Hmm. C'était vraiment beau. Je crois que, oui, en fait, c'est à Hollywood. Non, on s'en dira pas. En Californie. En Californie. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Je vous dis en Amérique du Nord. Mais tout d'abord, on va parler du spectacle de M qui s'est passé à Montréal dans le cadre de Montréal en lumière. C'est l'événement Montréal en lumière et non pas M pour Montréal. C'était plus non, M à Montréal. Oui, c'est ça. C'est mélangeant. Hein, mais ouais. Moi, je parle de Mathieu Chédid. Ouais. Tout le monde fait, mais c'est qui ça M? Parce que moi, j'étais comme, oh mon Dieu, m'envoie M. Puis, qui? Mais le gars qui a fait les triplettes de Belleville. Oui. Puis là, tout le monde fait « Ah! » Ils connaissent juste celle-là, eux. Ils connaissent juste celle-là. Mais c'est ça, il y en a fait plusieurs autres. En fait, j'ai pas compté, mais je pense que 5-6 CD. On va se dire que ça fait un bout. Puis je passerai pas une chanson parce que j'ai fait comme une chronique de là, 2 semaines sur M. Je m'en pas abusé. Là. Mais là, en fait, j'ai été voir le spectacle. C'était mon cadeau de Noël de ma maman. Oh. Parce qu'elle m'a vous dire que ça fait 8 ans que M est pas venu à Montréal. Et tabarouette que ses billets, ça paraît que ça fait longtemps qu'il est pas venu. Il y a de la demande. C'est assez dispendieux. Mais écoute, même si c'était dispendieux, il a fait 2 soirs, soit jeudi et vendredi passé. Et il a sold out, t'es ça. Oh, nouveau verbe. Mm-hmm. Oui, le sold out, c'est ça, les 2 soirs, c'était sublime. Et moi, je suis arrivée vendredi, soit le jeudi, la première partie de Les Brigitte, groupe obscur français. Okay. Tandis que moi, vendredi, ma première partie, c'était nul moins que Marie-Pierre Arthur. Oh! Que t'avais pas pu aller voir. Exactement. Que t'avais raté. J'avais raté à la salle Anaïs Salard-Rousseau à cause de mon maudit rhume. Qui n'arrête alors, jamais. Non, il n'arrête jamais. D'ailleurs, il est encore là. On le salue, d'ailleurs. On salue. Oui, salut rhume. Alors, j'ai pu me reprendre ce vendredi. Première partie, super bonne. C'est la première fois, en fait, que je connaissais autant la première partie que le spectacle principal. Malgré que Blink-182, je connaissais Fall Out Boy. Mais quand même... Pas le même genre, bébé. C'est pas le même genre, on va se le dire. Alors, c'était au Métropolis, une salle que j'adore particulièrement parce que si t'es grand, t'aimes ça trasher, tu vas en bas. Mais si t'es petit et t'aimes ça être calme, tu t'en vas en haut sur les petits bancs. Mm. Donc, on va deviner que j'étais en haut, c'est tout. Mais du haut de mon 5 pieds 1, là, en bas, là, c'est plus ou moins un bon Arrête choix. Arrête de te rabaisser, t'es déjà assez basse de même. En plus, j'étais là avec Mélissa Beaupré, qui a ma taille. Donc, elle aussi, on la salue en passant. Oui, on la salue. Alors, ça l'a fait, on va s'en aller en haut, ces petits bas. C'était un spectacle qui était très bon. Faut dire que le spectacle de M, sans celui de Marc-Pierre Arthur, a duré quand même 2h15. Oui. Mais, à sa défense, je n'ai pas vu les 2h15 passer, là, mais c'était vraiment rapide. En fait, le spectacle était bien rythmé. On va se dire qu'il y a beaucoup de répertoire. C'est sûr qu'il a fait beaucoup de chansons de son premier CD, mais il a mixé un petit peu tout ça. Autant il y avait des chansons beaucoup plus rock de son dernier CD, qu'à un moment donné, ses musiciens, c'est un trio en fait, là, donc ses deux musiciens partaient, c'était lui au piano tout seul. Il a fait monter les enfants sur scène pendant une chanson qui parlait de l'enfance justement, c'était quand même assez le fun. Il y a aussi, en fait, le spectacle était vraiment saccadé. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun. On voyait pas le temps passer. Et on dirait que ça nous donnait des pauses là, sur les chansons un peu plus intenses là, et un peu plus jam musical. Et M a d'ailleurs laissé sa coupe de cheveux. Parce que ça aussi, c'est un trait distinctif d'habitude qui fait rappeler au monde, c'est qui M. C'est celui qui avait le toupette qui descendait dans le milieu du front pour faire un M. Mais maintenant, c'est le temps est passé de M exubérant. Maintenant, il a ses cheveux frisés à la normale et c'est ses lunettes qui sont en forme de M. Il y a deux types de lunettes. Les premières qui sont en miroir. Donc, lorsqu'il y a un photo spot sur lui, ça fait une espèce de... Bizarre. Non, mais c'est vraiment cool. Ouais. Et l'autre, c'était sublime. On avait dit un dead mouse français. Non. C'est des grosses lunettes M, mais toutes illuminées. Donc, avec plein de lumière à l'intérieur. Donc, c'était vraiment le fun. Donc, ça aussi, ça permettait de je sais pas, d'aérer le spectacle et changer de lunettes. C'est pas juste le premier de l'année que tu peux mettre des lunettes spéciales avec le 2013. M. Alors, c'était très bon. J'avoue que c'est un artiste que j'adore, mais que je ne connais pas les chansons par cœur. OK. Alors, je m'étais dit, je sais que c'est quelqu'un à voir, une bête de scène, aime là, à voir une fois dans sa vie. Et je m'étais dit, j'espère que ça ne sera pas à mon désavantage de ne pas connaître toutes ses chansons. Pas du tout. Parce que c'est tellement une bête de scène qu'il te transmet sa passion. Et même si tu connais pas ça, t'aimes ça. Fait que c'est vraiment là, un de mes meilleurs spectacles de l'année. Et là, j'en ai vu beaucoup, hein. J'en ai vu beaucoup. Pointe-moi pas de même, elle me menace. J'en ai vu beaucoup. Attends, on va le dire que j'en ai vu beaucoup. Beaucoup. Et franchement, là, et il adore son public. Et ça, c'est le fun parce qu'il nous remercie. Il nous dit qu'à quel point on est gentil. Puis qu'il est content qu'il soit là. Qu'on soit là. Et, il dit, ben, Alexandre Carignan, aussi. C'est le fun non, que tu sois là. Non, puis il passe tout le monde. Oui, un par un. Non, vous riez de M. Non, pas tout. Mais non, c'est quelqu'un qui a beaucoup remercié son public. C'est le fun. À Montréal, d'ailleurs, on est comme beaucoup d'artistes, d'ailleurs. On est leur premier coup de foudre. À Montréal, on aime ça avant tout le monde. Ils disent ça à toutes les villes. Mais non, mais pour de vrai. tu sais, mettons Michael Bublé, là. On compare dans la même sphère. On reste dans les lettres M. C'est au Michael Québec Bublé. Que c'est devenu plus populaire rapidement. M, c'est la même chose. Avant d'être connu, tu sais, en France, oui, il a starté, mais c'est vraiment à Montréal que ça a levé en premier. Oui. Fait que lui, c'est tout le temps le fun de revenir à Montréal parce qu'il y a un grand public qui est là puis qui l'accueille. Puis, fait que c'est... On se sent choyé. Oh. Alors, M à Montréal, si vous vouliez le voir, vous avez manqué votre shot parce qu'il va être là dans 8 ans. mais non, peut-être un peu moins, on l'espère. Question qu'il revienne un petit peu. Là, mais ça avait pris du temps avant qu'il sorte un CD, il faut le dire. Là. Ça fait longtemps. Il faut qu'il sorte un DVD de son spectacle, qu'on puisse le regarder. Mais ça va peut-être arriver. Je sais pas, il n'y avait pas de produit dérivé. Fait que ça a pas l'air de quelqu'un qui veut vraiment faire de l'argent pour faire de l'argent. Là. Lui, ce qu'il veut, c'est faire de la musique. Ouais. Fait que, bon, j'étais un petit peu déçu qu'il n'y avait pas de produit dérivé. Je m'étais emmené de l'argent en cash pour acheter des chandails. Mais bon, c'est pas grave. Moi, t'as acheté une perruque avec son tout Une perruque avec son M. Alors, c'était ma première portion spectacle. Maintenant, on va revenir sur les Oscars d'hier qui étaient de 8h30 à minuit. Ah, on ne sait plus quelle heure, minuit. Oh oui. Okay. Et c'était vraiment bon. Contrairement au Grammy, que je suis allée me coucher à 11h. Ah oui. J'ai écouté jusqu'à la fin. C'était Seth MacFarlane qui est drôle, oui, ce gars-là. C'était tellement drôle. Écoute, je sais pas s'il va être réengagé parce qu'il a fait vraiment beaucoup de malaise. Bitch. Mais moi, j'ai trouvé ça drôle. Ah oui. C'est des trucs, des fois, comme... Donc, tu sais, c'est bon, mais notre prochaine personne, il annonce tout le temps les personnes qui vont venir annoncer les prix. Mm-hmm. Bon, ben, la prochaine personne n'a pas besoin de présentation. Puis il s'en va. Non, pour c'était Meryl Streep. Mais tu sais, c'est vraiment drôle. C'est tout le temps des blagues, tout le temps des pins. Ouais, ben des fois, c'est méchant presque par moment. Faut avoir la peau dure. Oui, c'est Seth MacFarlane. Tu sais, faut le rire, là. C'est le créateur de Family Guy, entre autres. Ben oui, c'est ça. Le Family Guy, Ted, pour ceux qui l'ont vu, avec le dude qui joue dans la planète des singes. Chose, le Mark Wahlberg. Oui. J'aurais pu dire Mila Kunis, puis j'aurais pu ce qu'on veut. Aussi, en fait, Mila Kunis, d'ailleurs, qui joue dans Ted, mais aussi dans Family Guy, c'est elle qui fait la voix de sa fille. Elle joue dans Mon cœur aussi. Oh là là. Bien aussi. Et c'est ça, Seth MacFarlane, premièrement, c'est un chanteur crooner débile, on va se le dire. C'est pas un professionnel, mais il a l'air de. Oui, il a l'air de. Il y a une voix qui est vraiment... Ben, on va se dire que la voix, Seth MacFarlane, dans Family Guy, non seulement il fait la voix de Peter, mais aussi la voix du chien puis la voix de Stewie. Exactement. Tu sais, juste là-dedans. Puis, je veux dire, il fait aussi plusieurs voix ailleurs. C'est Seth MacFarlane. D'ailleurs, moi, quand j'ai vu Ted, ça me gossait un petit peu parce que j'avais l'impression que Peter me barrait. Ben oui. Mais bon. C'est tout le temps dans le même range quand même de voix. Mais d'ailleurs, c'est le fun. Hier, Ted a fait une apparition avec... J'ai entendu ça. Est-ce que c'était en marionnette? C'était en 3D? J'ai pas réussi à savoir parce que... Moi, j'ai dit, ben là, c'est une marionnette téléguidée. Puis là, Maxime, mon copain, a fait, ben non, il n'y a pas de marionnette téléguidée assez puissante pour faire ça. Alors. C'est un dingue qu'il y avait dedans, on clairement. On ne le sait pas. C'est ça. Non, mais on ne le sait pas. Fait non, c'est peut-être. Ça. Ben, tu sais, quand, mettons, il y avait le speech aux nominés, on voyait pas Ted. Fait que peut-être que c'était une illusion, dans le fond, une illusion rajoutée par ordinateur. Un mirage. C'est un jeu de miroir. Tu vas essayer de travailler là-dessus. C'était les lunettes de M. Ouais. J'ai reflété Ted. Exactement. Excuse-moi. On a découvert la mystère. Alors, Seth MacFarlane qui a fait une animation qui, selon moi, était très drôle. C'est sûr que c'était moins classique que peut-être ce qu'on faisait avant. C'était qui, Billy Crystal l'année passée, quelque chose comme ça? Je ne m'en rappelle plus. Ouais. Mais bon. Il y a une couple de jokes qui ont été flat parce qu'il était un petit peu awkward. Mais nous autres, on a bien ri dans notre salon. Mais c'était quand même bon. Il faut quand même mentionner qu'il a ouvert le spectacle avec une chanson qui s'appelle « We Stole Your Boobs » qui mentionnait toutes les personnes dans l'assistance qu'on avait vu leur sein dans quel film. Merveilleux! Donc, c'était merveilleux. J'adore ça. Mais ça, c'était un malaise voulu, en fait, là. Mais est-ce qu'il était là beaucoup dans le gala? Parce que des fois, les animateurs sont choisis. Je les adore, ils sont super drôles, mais on les voit presque pas. C'est tout le temps les présentateurs. Effectivement, il était là. Il y avait le numéro d'ouverture, le numéro de fermeture. Mm-hmm. Et sinon, il faisait seulement présenter les... Fait qu'effectivement, on ne voyait pas beaucoup. C'est pas comme au Grammy. Ben, en fait, non, au Grammy, c'est la même affaire. Mais c'est pas comme, mettons, au Tony Award, où est-ce que tu as tout le temps les numéros musicaux. Ouais. Tony Award, qui est le gala, en fait, pour Broadway. Mm-hmm. Alors, c'est sûr qu'il était moins présent, mais ses blagues nous faisaient tout le temps rappeler qu'il était là. Tu t'en rappelais par le reste de... C'était pas juste « So, ladies and gentlemen, welcome Meryl Streep ». Non, non, c'est pas ça. C'était une blague plate. La voilà. C'est pas parce que je suis arrivé, je préparais l'émission hier, pendant que le gala jouait, et puis je suis arrivé dans le salon au moment où il remerciait les producteurs du spectacle. J'étais comme... Sont les blagues, ça fait jouer des blagues. Donc, blague. Effectivement, celui-là, il n'y avait pas de blague. Non. Mais il y avait de blague, c'est commanditaire, pardon. Mais même pas une présentation, c'est genre, so this is the people that pay for all this stuff. T'avais les commanditaires. Ah, cool. C'était tout le temps très, très cynique. Alors, moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Maxime aussi, ça nous a fait écouter ça jusqu'à la fin. 3h30 de gala. C'était long, oui, mais en même temps, t'es comme tout le temps. Ça, c'est sans compter le pre-show et le pre-pre-show là, qu'il y avait sur toutes les chaînes qui faisaient l'avant-match. Le tailgate. Le tailgate party. Mais aussi, sa chanson de fermeture avec, je ne me rappelle plus son nom, qui est une actrice de Broadway, qui a fait To the Losers. Dédiée aux perdants de la soirée. C'est quand même drôle. Ils se sont gourés dans la chanson. C'était bien drôle aussi, parce qu'ils l'ont mentionné. C'était comme, oh, here's... Well, this is life, tout ça. C'était très drôle. Here's to the losers. Les ups et les downs du gala. Il y a eu beaucoup plus de ups, pour le mentionner quand même. Donc, les ups, la magnifique performance du cast des Misérables. Uh-huh. C'était sublime. Anne Hathaway. OK, Anne Hathaway, Hugh Jackman. Anne Hathaway, d'ailleurs, qui a gagné meilleure actrice de soutien féminin. Écoute, là, je regarde son extrait puis je pleure. Là. Alors, il y avait Anne Hathaway, Hugh Jackman, maudite affaire. Là, l'autre qui est pas très bon, là, genre le gars de Gladiateur. Ben oui, là, Russell Crowe. Ouais. Mais en fait, il est quand même, il a une belle voix, mais c'est pas la voix qui... Ouais. Ben en fait, bon, on va pas se lancer là-dessus parce que moi, je suis une femme finie des Misérables. Okay. Alors, Russell Crowe, là, j'ai vraiment pas les noms, mais tout le cast des Misérables était là. Live. C'était complètement live. Ben en fait, c'est ça qui est la particularité du film, c'est qu'il a été filmé live, les chants. C'est pas comme dans n'importe quelle comédie musicale où est-ce que tu lip-signes pendant qu'on te filme. Il chantait pour vrai, c'était pas, c'était pas comme un vidéoclip. Non, okay. Exactement. C'était une performance live à tout coup. Il y avait tout le temps un orchestre. Ben pour faire comme la pièce de théâtre. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'était l'idée, mais ça s'est jamais fait encore dans l'univers cinématographique. C'est vraiment bon. Alors, la performance qu'ils ont fait. On a eu une performance spéciale de Barbra Streisand aussi à la fin de In Memoriam. Donc, toutes les personnes qui sont décédées. Bon, la grande dame, là, on l'aime. Peu importe ce qu'elle chante. Adele aussi, qui avait peut-être un petit rhume, mais qui a fait une performance impeccable de Skyfall. Le thème de James Bond. Le thème de James Bond. Et aussi Jennifer Hudson, moi que la chanson de Weight Watchers. C'est non. Ça. You are me. Mais non, en fait, c'était un numéro spécial sur les grands films, parce que le thème de la soirée, là, c'était la musique dans les films. Et là, il y avait un petit numéro sur les grands films. Ils ont copié le Carnaval 2013, hein, ouais. Le Carnaval en Cinémascope. Oui, exactement. Ils ont, en fait, ils ont fait un numéro sur les films en chanson. Spécial. Donc, en fait, important. Donc, on a parlé de Chicago. Il y avait aussi Dreamgirls. Ça, pourquoi Jennifer Hudson était là. Les rouges, un... peut-être, des trucs comme ça. Non, en fait, c'était... Il y en avait seulement trois. C'est ça. C'était Chicago, Dreamgirls et Les Misérables. C'est un peu, c'est comme les films phares qui ont fait... oui, il y en avait plusieurs. Là, ça, on a mentionné. C'est John Travolta qui a présenté, d'ailleurs. Là. Grease. C'est ça, Grease. Hairspray aussi. Mmh. Alors, Jennifer Hudson qui a fait une superbe performance. En parlant de Down, performance Catherine Zeta-Jones qui m'a lip-signé Chicago. Oh. Aïe, on s'entend, là? Force-toi un peu. Oui, on a... Ben non, mais je sais pas. Là, t'es aux Oscars, là. Come on. Au pire, mets-toi déjà un fake micro, tu sais, sur le bord. Non, non. Lip-sync, moi, Chicago, All That Jazz, avec un suit qui... Tu sais, Catherine Zeta-Jones, c'est une belle femme. Oui. Mais là, avec le suit qu'elle avait, ça paraissait qu'elle était dans sa quarantaine. Là. Oh, mon Dieu! Hey, c'est vert, hein, avec ça. Oh, non, mais cette performance... Mais moi, je suis une fan de Chicago, j'ai adoré ça, puis... mais là, c'était comme too much. Alors, mon down, Catherine Zeta-Jones... Désolée. Alors, Catherine Zeta-Jones, c'était pas bon. Mais c'est dit. Alors, juste pour vous faire un heads-up aussi de ce qui s'est passé, là, le film de l'année, donc le The Oscar Goes to Argo, donc le film avec Ben Affleck, qu'on va falloir écouter parce qu'il a gagné plusieurs autres prix, là, mais c'est le film de l'année. Acteur, actrice de soutien, je l'ai mentionné, Anne Hathaway dans Les Misérables. Acteur de soutien, Christoph Waltz dans Django Unchained. L'actrice de rôle principal de l'année va à Jennifer Lawrence. Celle qui a fait les Hunger Games pour là je me rappelle jamais du nom mais les c'est bon côté des choses là Silver oui c'est Silver, ça Silver Lining Playbook voilà. Exactement donc d'ailleurs pauvre petite elle s'est plantée en montant les marches. Oh cute mais, oh que je l'aime donc mais elle oh, avait une cute. Immense robe là. Oh ouais, génial. Ben, c'est ça, puis elle est arrivée. Arrêtez d'applaudir, là. Vous avez juste pitié parce que je me suis plantée dans les marches. Mais elle est tellement drôle, les entrevues, ça n'a pas d'allure, génial. Mais écoute, d'après moi, c'est mérité. Elle était en haut et elle faisait. Ben, sérieusement, j'ai pas préparé mon speech parce que je pensais pas gagner, mais elle était super nerveuse, mais c'était cute, là. Alors, Jennifer Lawrence. Et pour l'Oscar de l'acteur principal, ça va à Daniel Day-Lewis pour son rôle dans Lincoln. Mm-hmm. Un autre film de grande classe que j'ai pas vu. Un autre film. Ben moi j'ai rien vu à part Les Misérables. Mais c'est ben trop classe, ça. Argo puis. Mais en fait c'est surtout tout au cinéma puis à un moment donné ça coûte cher aller au cinéma. Moi quand il va sortir en DVD je vais sûrement me les louer. Ben oui. Lincoln, Silver Lining Playbook, Django Unchained, Argo, c'est quelque chose que je vais me louer et évidemment. Mais c'est ça. Pour l'instant là c'est ce qui s'est passé aux Oscars. Vous pouvez aller voir tout ce qui est... C'est sûr qu'il y a des trucs genre screenplay là, que t'en fous un petit peu. Évidemment, moins... ils ont mis au début. Pas enfin. Pour passer du temps un petit peu avec nous pendant 3h30, il faut bien remplir et mettre toutes les catégories à la télé. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai oublié un down. la chanson, tu sais, dans n'importe quel, même au Grammy, il y a tout le temps une toune qui part ou au Golden Globes qui fait... Pour dire aux gens, arrêtez de parler. Ton speech, là, arrête. Au Golden Globes, c'est quelque chose dans le genre de... C'est genre, vas-y lentement, là, c'est un début de toune épique. Tu sais, finis ça. Mais hier, là, c'était malaisant. Ça commençait, la toune, là, c'est... Ah, c'est ça, j'ai vu sur Twitter, tout le monde parlait de Jaws, les dents de la mer. C'était terrible. C'était un malaise, là, parce que ça l'enterrait la personne qui n'avait pas le temps de finir son speech. Ils vont se faire manger, par si elle n'avait pas le temps de finir son speech, il coupait son micro. Ben voyons, non. C'est bête, ça. Ben c'est back to Seth MacFarlane. Ben oui. Sauf Quentin Tarantino, il a fait un long speech, puis ils ont parti à la toune, puis il a fait non. Garde, je dirais pas quoi faire. Ah, ouais. Puis il a fini son speech. En même temps, tu peux pas faire taire Quentin Tarantino ou Daniel Day-Lewis aussi qui a fait un long speech. Je veux dire, tu le fais pas trop. Mais là, acteur de l'année, on peut bien leur laisser plus de temps. C'est ça. C'est le gros prix. Ça. Mm-hmm. C'est ça. Bon. Special visual effect, on s'en fout, mais... Merci à mon ordinateur. Merci à tous les logiciels, toutes les composantes. Merci iMovie. Donc, d'ailleurs, mention à Amour, un film qui était semi-Belgique, semi-France, qui s'est rendu dans la compétition des meilleurs films des Oscars. Donc, on checkera ça. Bref, les Oscars, ça vous donne la piste de films qu'il va falloir écouter dans les prochains mois, donc qui vont arriver en DVD bientôt. Oui. Et si vous voulez aller voir toute la liste des gagnants, donc vous avez juste à taper oscar.com et vous allez voir tout ça. Pas compliqué. Moi, je sais que ça a gagné meilleur film de l'année, mais je l'ai vu puis j'ai trouvé ça bon. Si ça peut vous convaincre. Argo? Oui. Ah, wow. Good! C'est Jean-Philippe Chargonneau. Chargonneau. C'est d'ailleurs une histoire, d'après une histoire vraie. Mais c'est ce qui est encore plus. Troublant. C'est un film touchant, en fait. Vraiment touchant. Okay. À la fin, tu sais pas quoi penser. Okay. Ben, tu sais quoi penser, mais t'as des frissons. Ah. Oh là là! D'accord. Ben merci. Oui, ben, ça me fait plaisir. Et tu disais qu'il y a des petits numéros musicaux dans le gala. Je présente Little Numbers de Boy. Je t'ai fait jouer juste parce que je pense que tu as peut-être aimé ça. OK. Assemblage requis. Tell me, I read your name on every wall, tell me. Boy, Lil Numbers. Mo, t'as dit que j'aime donc ça, cette chanson-là, sur l'album Mutual Friends. C'est vrai que c'est très bon. Génial. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve demain et on aura Charles-Antoine Rioux du Club Pénard QTR pour sa collègue Trucs et Astuces. Michel Lebrun avec son panier à salade, la collègue juridique. Et puis Julie Durocher avec l'index. On remercie les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Simon Fitbé. Thank you. Carina Fitzbits des Fitzbettes. Ouais. Ce serait bon dans du petit jus rouge, là. Oh. Comme à Rouge FM avec Marine Orsi. Ouais, pareil. Carina Tardy et Olivier Lessard, députés en spectacle. Sébastien Dulude, Alexandra Carignan. Ça fait plaisir. T'es encore là. Ben oui, je suis encore là. Sinon, ben, reste à l'écoute pour le Dîner de con à 11h. Et puis après ça, en après-midi, je vais animer les Palmarès C'est fou avec Stéphanie Paradis et Maxime Tanguay. En rappel, entre les deux, j'ai oublié de dire Connaître ensemble à 13h. Maxime Tanguay va animer entre deux périodes à 17h. Et finalement, Le Voyage de tête à 19h. Et Rock de Neurone, une nouvelle émission de rock progressif. Ça commence à 20h. Voilà, on se quitte sur la musique de Noël, Nostradamus. Puis on se dit bonne journée. Bonne journée, Mathieu. Bonne journée, Alex. Bonne journée. Bonne journée, les requins. Bye. Bye. C'est comme aux Oscars. Oh, je me sens menacé. Ah ouais, finis ton speech. Ces visions de mon pauvre esprit. Les hommes sont des sots et cela, j'en conviens pas au point de me léguer ce triste destin.